beaucoup mais t'es pas clair et tous tes mots ne m'inspirent pas. T'as toujours l'air ailleurs, oui surtout quand je suis dans tes bras. Si tu penses que c'est plus la peine, oui dis-le vite et libère-moi. Y'a peut-être quelqu'un qui m'attend. Je sais que t'as peur qu'une autre vienne te remplacer. C'est pour ça que tu me laisses pas en aller, ça te rend parano. Mais s'il te plaît, oh bébé laisse-moi partir. Libère-moi, peut-être que mon âme sœur m'attend. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. L'amour m'a rendu aveugle, je pensais que t'étais ma femme. T'as trop joué avec le feu, je crois que t'as éteint la flamme. Tu t'es perdu dans tes silences, je les ai traduits mais c'est pas suffisant. Notre histoire n'est qu'une coïncidence. Je t'ai tout donné, maintenant laisse-moi partir. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Peut-être que mon âme sœur m'attend. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Peut-être que mon âme sœur m'attend. Libère-moi, libère-moi. Libère-moi, peut-être que mon âme sœur m'attend. Libère-moi, libère-moi. Lagué, lagué, lagué, lagué. Peut-être que mon âme sœur m'attend. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Mon âme sœur m'attend. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Peut-être que mon âme sœur m'attend. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Peut-être que mon âme sœur m'attend.